On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache pas ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste dans le temps d'un songe. Il est touché du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul, est instinct d'innocence. On ne savait pas, on ne change pas. On attrape les amis, on ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Chaque instant de soir.